Bonjour mes amis, et on va continuer aujourd'hui l'évangile de Luc, on est au chapitre 19, et on est au verset 20 jusqu'au verset 26, qui parle du tribut à César. Notre bon Père du ciel, guide-nous encore aujourd'hui, qu'est-ce que tu voulais nous dire par cet enseignement de Luc à Théophile? Luc raconte à Théophile ce qui s'est passé dans le temple quelques jours avant la mort de Jésus. Avec quel but, avec quelle intention avait-il à ce moment-là? Guide-nous, nous voulons comprendre, Seigneur. C'est notre but dans notre cœur, dans notre âme. On veut comprendre ce que tu nous enseignes. Au nom de Jésus, amen. Donc, on est quelques jours avant la mort de Jésus, on est peut-être le mercredi. Jésus est dans le temple, on a vu ensemble, et toute la grosse gomme religieuse, les sadducéens, les sacrificateurs, les lévites, les scribes, les pharisiens, tout le monde vient et attaque Jésus par toutes sortes de questions pièges pour le prendre à défaut et le faire périr sans se mettre le peuple contre eux. Ils veulent le faire périr non plus sans se mettre les Romains contre eux. Donc, ils sont pognés entre les deux jusqu'à certains points. Et on va le voir encore ici dans notre histoire d'aujourd'hui. Israël veut se débarrasser de Jésus. Parce que Jésus a condamné la classe religieuse de façon très ouverte. Très ouverte pendant ses 3 ans de ministère. C'était sans équivoque. Jésus a dit à cette partie de la population, vous êtes des hypocrites, vous êtes des gens malhonnêtes, vous êtes des gens orgueilleux, vous êtes des gens qui œuvrez pour vous, vous n'avez pas à cœur le peuple, vous n'avez pas à cœur la gloire de Dieu. Il ne faut pas penser, là. Je ne suis pas en train de dire que le peuple était des victimes. Le peuple suivait parce que ça faisait son affaire. Quand je veux me sauver par les œuvres, ben je vais suivre quelqu'un. Qui proclame une religion qui sauve par les œuvres. Il faut bien comprendre ça. Et donc, ce n'est pas tous les gens qui sont dans des mouvements religieux vont aller au ciel parce qu'ils croient ce qu'on leur a dit. Ce n'est pas des victimes. Et la Bible nous éclaire là-dessus. Donc, nous allons lire le texte d'aujourd'hui qui parle du tribut à César. On a souvent utilisé ce texte-là pour parler de nos impôts, qu'on devait payer nos impôts, payer nos taxes. Mais ce n'est pas tout à fait ça, je crois, que Luc voudrait transmettre à Théophile. Je ne crois pas que Théophile, qui était un chef romain, qui était un excellent Théophile, avait des problèmes avec ses taxes aux Romains, hein, parce qu'il était lui-même romain. On va lire ensemble, on va comprendre. Verset 20. Ils se mirent à observer Jésus, et ils envoyèrent des gens qui feignaient d'être justes pour lui tendre des pièges. Et saisir de lui quelques paroles, afin de le livrer au magistrat et à l'autorité du gouverneur. Ces gens lui posèrent cette question. « Maître, nous savons que tu parles et enseignes droitement, et que tu ne regardes pas à l'apparence, mais que tu enseignes la voie de Dieu, selon la vérité. Nous est-il permis ou non de payer le tribut à César ?» Jésus, apercevant leur ruse, leur répondit, « Montrez-moi un denier. » De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription ? De César, répondirent-ils. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Ils ne purent rien reprendre dans ces paroles devant le peuple, mais, étonnés de sa réponse, ils gardèrent le silence. Luc s'adresse à Théophile. Et c'est très important que Théophile comprenne ce que Jésus est en train de dire ici. Jésus, le chef de ce groupe de chrétiens qui sont maintenant par une centaine de milliers dans l'Empire romain depuis 30-40 ans, que Jésus est parti, il dit, ils ne sont pas contre l'Empire romain. Au contraire, regarde ce que le chef de ce mouvement-là, Jésus de Nazareth, qui est celui qui a commencé ce mouvement, ce nouveau peuple qu'on appelle les chrétiens, regarde ce qu'il disait. Les chefs, et puis Jésus, ils ont des espions dans la foule pendant que Jésus enseigne, ils essaient de trouver quelque chose pour le faire prendre, pour le faire arrêter. Parce que là, ils disent bien ce coup-là, on veut surprendre quelques paroles afin de le livrer aux magistrats et aux autorités du gouverneur. Là, on essaie de trouver un moyen. On n'a pas trouvé de moyen pour amener le peuple à le rejeter. On va essayer de trouver un moyen maintenant d'emmener les Romains à l'arrêter et à le faire mourir. Gagne d'hypocrites. Hein? Sont-tu hypocrites un peu? Ces gens, lui, posèrent la question. Et là, ils vont commencer par le flatter dans le sens qu'ils veulent, ils veulent lui faire dire « C'est un gars qui a du gosse, qui a du front autour de la tête, toi, Jésus. Hein? T'as pas peur de dire ce que tu penses. T'as pas peur de dire la vérité. Toi, tu dis la vérité devant tout le monde. » Je comprends. Ça fait 2-3 ans que Jésus dit la vérité à leur sujet, qu'il les dénonce en public. Donc, ils savent que Jésus n'a pas peur de dire ce qu'il a à dire. Donc, ils veulent le pousser à dire la vérité. Ils veulent dire la vérité, mais ça ne va pas leur plaire. Et là, il dit, « Nous est-il permis de payer le tribut à César? Est-ce qu'on doit payer nos taxes à l'Empire romain? » Et là, la Bible nous dit au verset 23, « Jésus apercevant leur ruse. » Jésus sait qu'ils sont très hypocrites. Il sait très bien, il comprend très bien qu'il le flatte dans le sens du poil, avec des beaux compliments, t'es un homme courageux qui dit la vérité, sans égard pour personne, ce qui est vrai, tu le dis, tu le déclares. Mais vois bien leur petit jeu. Hein? Et il dit, « Emmenez-moi un denier. Montrez-moi le denier. » Donc, quelqu'un prend un denier dans la foule, dans ses poches, et il le montre à Jésus. Jésus dit, « C'est qui les effigies et les inscriptions? Qu'est-ce que vous voyez? Sur nos pièces de monnaie, nous, qu'est-ce qu'on a? On a les choses du gouvernement. Hein? C'est de la monnaie canadienne. Donc, il y a des effigies dessus et il y a des dessins qui représentent le Canada. » Et on dit, « César, c'est les effigies et les inscriptions de César. » Bon, Jésus dit, « Ben, si c'est à César, dit, remettez à César ce qui appartient à César. Donnez-lui ce qui est à lui. Si c'est son effigie qui est dessus, c'est à lui, donnez-lui. Mais dit, donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Pour Théophile qui entend ça, il sait très bien que Jésus n'est pas en train maintenant de dire aux chrétiens, à ses disciples, à ceux qui suivent, aux juifs qui sont là, qui sont sous l'Empire romain, il dit, donnez à César ce qui est à César. Donc, le tribut à César, payez-le, c'est à César, cet argent-là, donnez-le à César. Mais ce qui est à Dieu, donnez-le à Dieu. Voyez-vous ce que Jésus est en train de dire ici? Jésus dit, le monde que je suis en train de mettre en place, le nouveau monde, le nouveau peuple, le royaume de Dieu, n'est pas là pour entrer en guerre avec César, avec le monde dans lequel on est. Les choses du monde, c'est les choses du monde. Les taxes, ce que tu dois, les impôts, tout ce qui est de ce monde est de ce monde. Là, il ne s'adresse pas particulièrement aux tribus de César. Mais Jésus sépare ici le monde politique et économique du monde religieux ou spirituel. C'est pourquoi les églises évangéliques, en général, croient à la séparation de l'État de l'Église. L'État, c'est une chose. Dieu leur a confié une chose. Ce qui est à l'État est à l'État. Ce que Dieu a mandaté l'État de faire, l'État va le faire. Ce que Dieu a mandaté l'Église de faire, ben l'Église va le faire. Il y a des choses que vous devez garder séparées. Mélangez pas ça. Ce qui est à César, donnez-le à César. Ce qui est à Dieu, à Dieu. Je crois qu'Israël ne fait pas ni un ni l'autre. Israël est rebelle à César, que Dieu a mis sur eux pour les dominer. Il ne faut pas perdre de vue que si Israël est sous l'esclavage des Romains depuis des siècles, ils ont été sous l'esclavage des Babyloniens, des Mèdes et des Perses, des Grecs et des Romains. C'est parce qu'Israël avait abandonné son Dieu. Il ne faut pas penser que maintenant, c'est pauvre Israël, vous êtes une pauvre petite victime, les Romains, c'est des gros méchants qui vous ont envahis sans raison. Non, non. Lisez l'Ancien Testament. Israël est sous l'empire des Romains ou des Grecs ou des Mèdes et des Perses ou des Babyloniens parce qu'ils ont abandonné Dieu. Ils ont abandonné Dieu. Et Dieu les a envoyés en esclavage. Ils sont sous l'empire romain parce qu'ils avaient abandonné Dieu. Il dit, donnez aux hommes ce qui est aux hommes. Ce qui est de ce monde, fonctionnez avec des règles de ce monde. Je ne suis pas là pour les choses de ce monde. Je ne suis pas là, moi, pour accumuler les choses de ce monde. Je ne suis pas là pour rassembler les choses de ce monde. Vous remarquerez que les religions, les grandes religions de ce monde, sont là, c'est l'argent, c'est toujours l'argent. Tous les faux prophètes de la Bible, du Nouveau Testament, ont toujours affaire avec l'argent. Ils sont toujours... ils cherchent toujours à posséder plus. Regardez les grandes religions du monde, à quel point ils sont riches. Ils sont riches. Ils disent qu'ils aident les pauvres, mais mon ami, ils sont riches. Moi, j'ai été élevé au Québec, dans l'Église catholique. Les plus beaux bâtiments du village, c'était l'église et le presbytère. C'était riche. Il y avait de l'or partout, puis c'est la soie. Puis, c'était vraiment quelque chose de riche. Et les petites gens qui pratiquaient la religion catholique, souvent, était pauvre et il y avait de la misère à fonctionner. Il n'était pas là pour le peuple. Il accablait le peuple. Il mettait des gros fardeaux sur le peuple. Les religions, les chefs religieux se servent de la religion pour avoir les choses de ce monde. Et des fois, les choses de ce monde, les États, les communs romains ou les institutions politiques veulent se servir de la religion pour contrôler le monde. Jésus dit, c'est pareil ça. Les choses de César à César, les choses de Dieu à Dieu. Donc, les Juifs sont contre César et ils ne donnent pas à César, ils n'aimeraient pas donner à César le tribut. Ils aimeraient renverser César. Mais il ne donne pas à Dieu ce qui est à Dieu non plus. On l'a vu hier, dans la parabole de la vigne. Israël ne veut pas donner à Dieu son dû. Ne veut pas donner à Dieu ce qu'elle doit à Dieu. C'est-à-dire, pour nous autres, on va comprendre l'adoration, la louange, l'action de grâce, la reconnaissance. Les Juifs qui sont là, et je dirais les êtres humains en général, veulent utiliser des institutions politiques pour leur bien-être. Je lis la presse tous les matins, et c'est ce que je vois. Les citoyens qui se plaignent que le gouvernement les ordonne pas assez. Que le gouvernement les abuse. Et le gouvernement, sur le bord, eux autres, sont trouvés, sont accusés de toute forme de complot, de magouille, d'enveloppe jaune, d'enveloppe brune, d'enveloppe noire, tout ce que vous voulez d'enveloppe, pour des magouilles pour s'enrichir. Voyez-vous, on est poignés entre les deux. Et les religieux font la même chose. Ils contrôlent les gens, ils les utilisent pour leur bien-être. Et les gens dans les églises, eux autres voudraient utiliser les gens en place, les prêtres, ou peu importe comment on les appelle, les gourous, les moines, peu importe. On veut utiliser ces gens-là, le mouvement religieux dans lequel ils sont, pour leur bien-être. Ils ne veulent pas rendre à César ce qui est à César. Ils ne veulent pas rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Ils veulent que César et Dieu s'occupent de eux, prennent soin d'eux. Ils veulent que l'État leur donne toujours plus, puis ils ne veulent pas payer à l'État, ils ne veulent pas prendre soin de ceux qui les dirigent. Les gens qui les dirigent ne sont pas là pour le peuple, ils veulent utiliser le peuple pour s'enrichir. Les gens qui sont dans les églises en leadership veulent contrôler les gens et s'enrichir avec et avoir leur propre gloire. Et les gens qui sont dans les églises veulent utiliser les églises pour leur propre bien-être. Donc tout le monde est en train de se tirailler, se battre. Et c'est ce qu'on voit au temps de Jésus. Quand Jésus leur fait du bien, leur multiplie le pain, les guérit, le peuple applaudit. Mais quand Jésus leur dit, vous êtes des pécheurs, vous devez vous repentir, c'est non. Quand Jésus leur dit, donnez à César ce qui est à César, non. Jésus, notre Messie, délivre-nous de César. Jésus dit, non, donnez à César ce qui est à César. Et donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Ils ne purent rien reprendre dans ses paroles devant le peuple. Voyez-vous, pas devant Dieu, devant le peuple. Ils se soucient qu'est-ce que le peuple pense. Qu'est-ce que le peuple pense? S'il y avait des gardes romains alentour, s'il y avait des gardes, s'il y avait des soldats romains alentour, c'était pas surprenant qu'il y en aurait là alentour. Qui entendent ça, hein, disent, ben, en tout cas, Jésus encourage le peuple à payer ses impôts à César. Et ils gardèrent le silence. Ils n'ont pas répondu, ils ne sont pas revenus à la charge contre Jésus. Voyez-vous, mes chers amis, l'être humain est un être pécheur et veut utiliser les institutions politiques pour son bien-être. Il veut utiliser les institutions religieuses pour son bien-être. Mais ceux qui sont en poste politique veulent utiliser le peuple pour leur bien-être. Et ceux qui sont en charge des religions veulent utiliser le peuple pour leur bien-être aussi. Jésus condamne cette attitude au plus haut point. Au plus haut point. Notre bon Père du ciel, donne-nous de rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donne-nous, Seigneur, de vivre en harmonie avec ce que tu as fait. Tu as établi des autorités dans ce monde et ta Bible, la parole de Dieu, nous encourage à être soumis aux autorités et à prier pour les autorités. À les aider à accomplir le mandat que tu leur as confié. Et tu nous invites aujourd'hui à donner à Dieu ce qui est à Dieu et qu'est-ce que Dieu a besoin. Pas besoin d'argent, pas besoin de dîmes ni d'offrandes. Il a besoin d'adoration, de louange, d'action de grâce, de remerciement, de proclamation. Seigneur, donne-nous en tant que tes créatures, d'être soumis à toi, d'être soumis à toi. Si on est soumis à la haute autorité qui est Dieu, on va être soumis aussi aux autorités politiques et religieuses que tu as mis en place et aux autorités religieuses aussi que tu as mis en place. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.